mes cabalets de tous les jours, mes polos, tes chouchous. C'est vrai, la vie souvent fatale, mais ça qu'a fait vraiment très mal. De vrai, un monde qui remet, bien qu'il volait peut-être soleil. Tous les jours, ma camembert, bon debout qui s'arrête.